scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1965, quatrième émission. L'année 1965, vous savez bien, pour l'avoir vécu, sinon entendu ici même, un grand feuilleton, tout public, à la télévision, Belle et Sébastien. Un autre, pas vraiment tout public, et pourtant suivi, avec terreur, en famille, Belphégor. Et puis, une série, Les Saintes Chéries. Tout se passerait-il désormais sur le petit écran? Ainsi, les élections présidentielles, les premières, pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Non, le grand écran existe encore. On note quelques films marquants, applaudis ou moqués. Pierrot le Fou et Le Corneau. Il s'agit de deux films différents. Et puis, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau viennent de tourner Viva Maria. Mais l'année 1965 ne se résume pas aux images. Voici un reportage radiophonique qui durera le temps d'un combat. Un combat, on n'en sait pas à l'avance la durée, fût-ce un match, semble-t-il attendu depuis des mois. Nous sommes le 25 mai 1965. Les photographes sont en place, les journalistes sont à leur typewriter et surtout à leur chaise parce que généralement ils câblent directement leur papier par machines électriques à leur salle de rédaction. Toute la presse mondiale est là. J'ai vu des confrères anglais et des confrères français tout à l'heure. On estime qu'il y a un peu plus de 1000 journalistes aujourd'hui. Allez, oui. Inutile de vous dire que dans le public, il y a énormément de Noirs qui sont venus des quatre coins des États-Unis, puisque c'est un peu une affaire de famille, ce championnat du monde, entre Easton et Cassius. Voici l'annonce officielle du combat. Le Denver du Colorado, l'ancien champion du monde, devenu aujourd'hui challenger, Tony Easton. Tony Easton qui semble très sérieux, très concentré. Et maintenant, on présente le champion du monde de Louisville, Kentucky. The heavyweight champion of the world, champion du monde des poids lourds, Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est-à-dire Cassius Clay. Et l'arbitre, qui lui aussi est un noir, fait venir les deux hommes au centre du ring et leur donne les recommandations d'usage. Alors que les soigneurs et managers sont autour de leur poulain. Donc, d'ici quelques secondes, ce match épique va commencer. Je dis match épique car ça fait plus d'un an qu'on attendait ce match. Il y a eu des incidents de toutes sortes. Avant qu'on puisse arriver à mettre les deux boxeurs dans le même ring, attention pour le premier coup de gong de ce championnat du monde poids lourd entre Cassius Clay, le tenant du titre, Tony Easton, le challenger, l'ancien tenant du titre. Match de revanche. Tout le monde est prêt. Le ring a été débarrassé des soigneurs. Les tabourets sont descendus. Et voici le premier coup de gant. Immédiatement, c'est Cassius Clay. Il est plus rapide que son adversaire. Il s'est trouvé une ouverture. Easton poursuit Cassius Clay. Cassius Clay. Recule, Easton essaye de faire le forcing, mais pour l'instant c'est Cassius Clay qui a réussi des contres par des crochets. Vous savez que la meilleure arme de Easton, c'est le crochet du gauche. Easton cherche l'ouverture, mais devant lui il a un adversaire qui a un très bon jeu de jambes, qui garde ses distances et qui a plutôt l'intention, semble-t-il, de ne pas chercher le combat trop rapidement. Easton fait toujours le forcing, Cassius Clay recule, pour l'instant il n'y a pas eu tellement d'échanges de coups. Une droite de Easton beaucoup trop courte. Cassius Clay vient de prendre un crochet indirect du gauche qui n'était pas méchant. Encore des directs du gauche de Liston. Les deux hommes tournent autour du ring. Toujours Liston poursuivant Cassius-Clay. Encore des petits directs du gauche de Liston. Liston qui fixe son adversaire droit dans les yeux. Cassius-Clay qui a la garde très basse. Encore les directs du gauche de Liston qui touche Cassius-Clay mais pas méchamment. Une droite de Cassius-Clay qui est arrivée à destination, qui est partie très rapidement. Encore un direct du gauche de Liston. Liston actuellement fait le forcing, indiscutablement à l'avantage au cours de ce premier round, enfin de ce début de premier round, bien que rien de décisif, de bien important se soit produit. Une bonne observation comme c'est normal pour un premier round de championnat du monde. Liston sert tout de même le coup dur, mais il ne peut pas bien trouver l'ouverture car Cassius-Clay fuit devant lui et est insaisissable. Le jeu de forme de Cassius-Clay est absolument remarquable. Une vraie danseuse sur le ring, et c'est une droite de Cassius-Clay, et Liston est au tapis. Et cette droite n'a pas semblé être pourtant tellement méchant. L'arbitre a du mal à retenir Cassius-Clay dans son coin. Liston retombe au tapis après avoir essayé de se relever. Liston va-t-il se relever avant 10? Il est juste relevé, l'arbitre essaye de protéger Liston de Cassius-Clay. Est-ce que Liston va abandonner dès le premier round? L'arbitre va voir, non, et les deux hommes repartent. Liston a été touché beaucoup plus sérieusement que je le pensais. Cassius-Clay est reparti. C'est terminé, le match est terminé. C'est une abominable plaisanterie. C'est une abominable plaisanterie car à mon sens, il y a juste un tout petit coup de Cassius-Clay. On ne peut pas dire que Cassius-Clay ait délivré un punch violent contre Liston. Liston est tombé, n'a même pas essayé de se battre. Il a essayé de se relever. Mais il semble très frais, il est dans son coin. Tout le monde se jette autour de Cassius-Clay. Liston a l'air d'être complètement perdu, se demande ce qui lui est arrivé. Nous aussi, nous le demandons du reste. Le public ne cache pas son mécontentement, car avoir payé $100 pour assister à ça, c'est tout de même un peu abusif. En effet, c'est un peu abusif. Plus tard, bien sûr, Hollywood s'emparera du personnage. En attendant, revenons en France et à sa production cinématographique. Cinéma vérité. Une émission de Roger Réjean avec la collaboration de Jacqueline Adler. Le cinéma voyage, aujourd'hui plus que jamais. Depuis que Hollywood a perdu sa suprématie mondiale, le pôle du 7e art s'est déplacé. Des films de plus pur style américain sont réalisés dans nos studios de la région parisienne, Boulogne, Billancourt, Saint-Maurice, et des Français s'en vont aux quatre coins du monde pour tourner des films bien de chez nous. Le plus français de nos cinéastes même, René Clair, ne va-t-il pas faire son prochain film à Bucarest? Pendant ce temps, Peter Ustinov met en scène à Boulogne « Lady L » avec Sophia Loren, Paul Newman et David Niven. Terence Hathaway réalise à Boulogne également Opération Lotus Bleu avec Ken Clark. Il n'y a pas si longtemps, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Peter O'Toole, Audrey Hepburn, Cary Grant travaillaient aussi dans nos studios. Et Louis Malle est à Mexico avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreau pour Viva Maria. Tandis que Philippe de Broca se promène, lui, à Hong Kong et en Malaisie avec Jean-Paul Belmondo pour Les Tribulations Chinoises en Chine. Enfin, dans quelques jours, Vittorio De Sica donnera à Paris le premier tour de manivelle de son prochain film, Un monde nouveau, que vient d'écrire Zavattini. Tout ce remue-ménage est-il bon, est-il mauvais pour le cinéma? Bon, sans aucun doute. Les échanges, les croisements de races et de styles sont toujours profitables à la vie et au renouvellement d'un art. Bon, toutefois, à la condition que chacun garde sa personnalité et ne se laisse pas noyer dans un internationalisme standard. Une loi, enfin, favorisant l'égalité entre l'homme et la femme au sein du couple en limitant les droits du mari sur son épouse. Cette réforme des régimes matrimoniaux de 1965, où et quand en informer les intéressés? À 5h, à 5h10. En fait, dans l'émission Rendez-vous à 5h, et qui était ce jour-là la dernière que présentait son animateur vedette, Pierre d'Ivoire. Rendez-vous à 5h. Une émission de Manette Sauzet et Maurice Blaiseau, présentée par Pierre d'Ivoire, collaboration Françoise Guérin et Brigitte Barrican, assistante Claude Perrault. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Comme je vous l'avais laissé pressentir, ce sera ce soir notre dernier rendez-vous. Un rendez-vous à 5h10, mais vous le savez, Tour de France oblige. Un 16 décembre 1949, Roland Forez vous faisait un premier signe d'amitié. J'ai pris le relais un petit peu plus tard. Tout a une fin. Enfin, l'essentiel, c'est que vous soyez déclarée souvent satisfaite de ces rencontres qui ont duré donc près de 16 ans. J'avais pensé, pour mieux marquer nos adieux, inviter par exemple Yves Montand, qui nous porta chance dès la première émission, ou les frères Jacques, qui inauguraient ou clôturaient chacune de nos saisons, ou Juliette Gréco, ou Mouloudji, ou tant d'autres, des chanteurs, des comédiens, des musiciens qui firent leurs premiers essais devant vous. Et puis, non. Il ne faut pas dramatiser. Nous avons essayé pendant toutes ces années de vous divertir, de vous distraire de vos tâches ménagères et autres. Pourquoi aujourd'hui changer de ton? Donc, comme tous les soirs, la parole à Marie-Thérèse Guinchard qui vous entretient des événements que toute femme moderne doit connaître, selon une formule que vous connaissez bien. Mais pour notre dernier rendez-vous, je le voudrais essentiellement féminin. Aussi, de l'éphéméride que nous effeuillons chaque année à pareille époque, je n'extrairai que les événements qui ont dicté récemment à un confrère ce titre significatif. L'heure de la décolonisation de la femme a sonné. Cette décolonisation a duré plus de 50 ans, mais elle a amené la femme partout, sauf à la bourse. Pourtant, sa propre bourse, qu'elle soit célibataire ou mariée, la femme pourra désormais la gérer au terme de la réforme sur les régimes matrimoniaux qui sera vraisemblablement adoptée demain par l'Assemblée nationale. Nous avons célébré cette année, au cours de nos rendez-vous quotidiens, 20 années de droit de vote. À ce propos, je voudrais vous rappeler les paroles d'un honorable sénateur hostile à l'émancipation civique de la femme. « Si je combats ce projet, ne voyez là qu'un signe de mon attachement au beau sexe. Je veux préserver les femmes des difficultés, des fatigues et des déceptions de la vie publique. » Noble sentiment, mais ce sénateur sincère peut-être n'a pas empêché la femme d'empiéter chaque jour un peu plus sur un terrain réservé jusque-là aux hommes. Ainsi, le plus jeune conseiller de France à la Cour d'appel est une femme, Madame Suzanne Schall, qui siège à Aix-en-Provence depuis le mois de janvier. Pour la première fois, une avocate française a plaidé en URSS. C'est une niçoise de 28 ans, Madame Geneviève Belonneau-Rousseau. Le Vatican lui-même a reconnu que la femme avait une âme et qu'il convenait de la placer aux côtés des animaux dotés de raison. J'emprunte cette phrase au père conciliaire Maconnet du VIe siècle. Une femme a été admise au concile en qualité d'auditrice, Mademoiselle Monet. Hier, Marie-Antoinette Legrand a été élue bâtonnier du barreau de Douai. Depuis les dernières élections, Paris compte 12 conseillères municipales, 402 femmes sont à la tête d'une mairie en France. Je n'ai hélas pas le temps de reprendre les exploits scientifiques ou sportifs féminins de l'année, mais je voudrais vous quitter sur une sage parole. En France, les femmes ne se révoltent pas. Elles savent qu'elles finiront toujours par avoir gain de cause. D'autres que moi vous annonceront l'année prochaine qu'elles ont ouvert d'autres dossiers. Il me reste encore à signaler aux mamans que leur Vademecum vient d'être réédité pour la 21e fois. Madame Francisque Gay, devenue entre-temps grand-mère, n'a pas voulu interrompre le dialogue engagé voici 33 ans avec les jeunes mères par l'intermédiaire de son admirable livre « Comment j'ai élevé mon enfant ». Madame Gay a évidemment apporté à son ouvrage toutes les modifications qui lui ont été dictées par les progrès dans la puériculture, la pédiatrie, l'alimentation, la législation, etc. « Comment j'ai élevé mon enfant » est donc de nouveau en vente en librairie. Enfin, je voudrais encore remercier les nombreuses auditrices qui ont pris la peine de m'écrire pour me souhaiter de bonnes vacances, à mon tour de formuler des vœux pour que votre détente estivale soit des plus agréables et des plus heureuses. Merci Marie-Thérèse Guinchard. Chaque jour que Dieu fait désormais les courses et les résultats, ne dérangeons pas les traditions. Aujourd'hui, à Saint-Cloud, à vous Maurice Blanc-Ménil. Nous ne saurons jamais, hélas, le temps nous manque, quels chevaux arrivèrent en tête ce 25 juin 1965. Dommage. Ce qui est certain, en revanche, et ce à quoi nous allons nous intéresser, c'est à l'effacement, à la disparition d'un phénomène qui plaisait tant à la presse, les blousons noirs. Les blousons noirs souvent cités et redoutés dans cette série consacrée aux années 60. Les blousons noirs sembleraient perdre de leur noirceur. Il n'y aurait finalement plus grande différence entre une bande de scouts et une bande de blousons noirs du même âge. L'essentiel étant de canaliser la violence des adolescents. Quand le mythe s'essouffle, sociologiquement, mais quand certains journalistes d'un certain magazine, grand mystère sur le titre, quand certains journalistes donc ont envie de le prolonger, ce mythe, que faire ? Réponse, le 18 mars 1965 dans « Recherche de notre temps ». France Culture présente Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, l'enfance inadaptée. Une suite d'émissions composées par Colette Garrigue et Harold Portnoy. Aujourd'hui, dernière émission, le mythe du blouson noir. Avec la participation du père Jaouen, aumônier de la section des mineurs à Fresnes, Madame Revon, fondatrice des centres familiaux de jeunes, l'abbé Marc Oraison et des témoignages d'adolescents. Assistant de production Jacques Devin, réalisation Paul Ventre. C'est des journalistes qui sont venus nous voir et nous ont demandé si ça nous plairait de gagner un peu d'argent, quoi. Alors on leur a dit bien sûr, ça dépend ce qu'il faut faire. Alors ils nous ont dit faut faire un peu de cinéma. Alors on leur a dit, bon, bah s'il y a que ça à faire, on va le faire. Alors ils nous ont dit, ouais, c'est au sujet de la jeunesse actuelle. Alors on leur a dit, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez exactement ? Bah ils nous ont dit, voilà, il faudrait nous faire une fausse bagarre, ou alors monter à Pigalle, mettre des mains au cul aux bonnes femmes qui passent, ou alors aller tirer la langue, même qu'ils nous ont sorti, à une bonne femme qui fait des frites, des conneries comme ça, quoi. Alors on leur a dit, bon, on veut bien faire un peu de cinéma, mais faut pas tiger, faut rester un peu dans la légalité, on veut pas fausser toutes les choses. Alors ils nous ont dit, bon, surtout ce qu'il nous faut, c'est une fausse bagarre, enfin, qui puisse paraître vraie. Cette bagarre, ils nous ont fait faire une mise en scène. Ils nous ont dit de chercher un coin qui fait un peu la zone, quoi. Alors j'aurais trouvé ça, un coin dans le Clichy, un peu plus haut, là. On leur a trouvé ça au poil, on avait même des baguettes, enfin, on avait tout ce qu'ils voulaient, mais eux, ils nous ont dit que c'était pas la peine de prendre des baguettes, enfin, des morceaux de bois. Point de vue habillement, enfin, eux, ils voulaient qu'on prenne des choses dégueulasses, mais nous, on leur a dit que d'avoir des blousons noirs, pour moi, ça n'existe pas, parce qu'on peut dire d'un blouson noir, un gars qui a un blouson noir, un Lewis, mais il n'est pas plus pourri qu'un autre qui est bien habillé, qui a une mentalité de salaud. Pour revenir à l'histoire, ils nous ont dit de venir comme on voulait, en principe. Ils nous ont dit, venez en dégueulasse, et si vous avez rien d'autre à mettre, ben venez comme vous voulez, quoi. Alors, on est venu tel qu'on était, enfin, en principe, puisqu'on voulait pas tellement fausser les choses, quoi. D'abord, eux, ils ont essayé de nous faire une mise en scène, si je peux dire. Ils nous ont fait mettre en ligne, pour ainsi dire, et puis on leur a dit que la bagarre de rue, c'était pas tout à fait ça, quoi. La bagarre de rue, on regardait pas si c'était en ligne, et puis après, ils nous ont dit, ouais, il faudrait peut-être un god, mais on leur a dit que dans les bandes, d'abord, il n'y avait pas de chef, ça n'existait pas. En fin de compte, on est arrivé un peu à revenir à la réalité, et puis on a essayé de se donner des coups sur la gueule, enfin, qui n'ont pas très porté. Est-ce qu'ils vous ont demandé autre chose ? Oui, ils nous ont demandé de faire une partie de poker, enfin une fausse partie de poker si on veut bien, parce qu'on n'a pas joué en fin de compte. Le poker, on peut dire qu'on joue, mais on joue pas pour de l'argent comme ils ont voulu le faire croire. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé alors ? Bah, au juste, ils nous ont offert d'abord des pipes, ils nous ont offert une bouteille de scotch, qu'ils ont bien mise en vue sur la table, bien photographiée pour que ça se montre, quoi. Qu'on puisse savoir et puis qu'on puisse dire que les blousons noirs, c'est des poivrons. Et évidemment, quand on a une bouteille de whisky, on crache pas tout le temps dessus, mais on va pas jusqu'au point à s'en enfiler une à chaque tous les jours. D'abord, on n'a pas assez de pognon, puis... Alors, ils nous ont offert la bouteille de whisky, puis ils nous ont mis autour d'une table, dans un local que j'avais bien sûr trouvé, approprié, ouais, si on veut bien, local à moitié pourri, ce qui est faux d'ailleurs, parce que quand on va quelque part, on va dans un logement, on va pas dans des trucs pourris tels qu'ils vont le passer, là. La partie de poker, enfin, on a fait semblant de jouer, ils nous ont dit de montrer les billets de 10 000, bien en vue pour que ça se voie, quoi, qu'on puisse voir qu'on joue avec des billets réels, quoi, qu'on voie le billet, quoi, alors que le billet de 10 000 francs, c'est celui qui venait de nous donner, quoi, pour faire une quinzaine de photos. Alors, en fin de compte, on a fait ce qu'ils voulaient, puis il a fallu pour eux que ça se termine mal, parce qu'on commençait, grâce à leur bouteille de scotch, à être un peu trop excités. Et pour la bagarre, alors, est-ce qu'ils vous ont demandé de faire des choses particulières ? La bagarre, ils ont demandé de faire beaucoup de corps à corps avec beaucoup de contorsions, naturellement. Premier plan, ça fait tout de suite bien. Et puis, rouler un petit peu dans la boue avec les chaussures un peu crottées. S'asseoir sur des pneus, sur des vieilles caisses. Naturellement, le local qu'on leur avait trouvé était marqué avec de la peinture à faire de la propagande poujadiste ou n'importe quoi. Sur les murs, Elvis Presley, Bill Haley, toutes les grandes vedettes de rock'n'roll. Enfin, tout ce qui s'est passé, ça a été vraiment du montage perfectionné à l'extrême. Et franchement, on s'est vraiment prêté à leur jeu, parce que, je vous dis franchement, il s'agissait de 10 000 francs, c'est-à-dire une somme de 10 000 francs que je gagne en l'espace de 2 heures. Je trouve cela appréciable pour faire le mannequin pour l'histoire d'un quart d'heure. Alors que je me crève 10 heures par jour dans un garage pour gagner 3500 francs. C'est ainsi qu'un hebdomadaire français s'apprête à livrer au voyeurisme 1,5 million de lecteurs avides de sensations des images et une fausse réalité elle-même construite sur un stéréotype désormais classique des années d'après-guerre, la jungle de l'asphalte des grandes cités, les blousons noirs. Le mythe de la révolte de l'adolescence, cette rupture inaugurale, dirait André Breton, va s'incarner dans les clichés de la presse à gros tirage, et d'un bout à l'autre de la planète, on parlera de beatniks, de hooligans, de teddy boys, de jeunes gens en colère. On offrira des images de voyous, de durs, de hors-la-loi, de gangs, des scènes de violence. Si l'on va plus loin, que le souci d'inonder le marché et de vendre des tirages encore plus importants en créant une panique excitante, que recouvre alors cette tendance actuelle de la presse et plus généralement de la culture de masse et cette attente, cette demande, ce goût du public auquel elle répond? La vie quotidienne, pourrait-on penser, est soumise à la loi. Les instincts réprimés, les désirs censurés, les peurs camouflées ou endormies. Par contre, la vie offerte par les films, les romans, les faits divers de la presse est celle où la loi est enfreinte, dominée, ignorée, où le désir devient amour victorieux, où les instincts deviennent coup, meurtre, violence, où les peurs deviennent suspense, angoisse. C'est cette vie qui coïncide avec la liberté originelle, celle où l'homme n'est plus aux ordres de la loi, cette norme sociale, de l'interdit, cette règle. C'est pourquoi le monde hors la loi, celui des voyous, des voleurs, des gangsters, va imprégner une partie de la culture de masse et particulièrement la presse. Car l'homme de tous les jours, policé, réglementé, bureaucratisé, l'homme qui obéit aux agents, aux pancartes d'interdiction, aux frappés avant d'entrer, peut se libérer ainsi, fictivement, en se projetant dans l'image ou l'acte de celui qui ose prendre l'argent ou la femme, qui ose tuer, obéir à sa propre violence. Ainsi, la bonne presse alimente ce besoin latent d'aventure par procuration, exacerbe une certaine peur et procure en même temps une bonne conscience en entretenant ce thème permanent de l'anarchie de la jeunesse et en appelant la répression. Par ailleurs, on peut dire que l'image même du gang, de la bande, ainsi mise en relief, exerce une fascination particulière, parce qu'ils répondent peut-être aux structures affectives élémentaires de l'esprit humain. C'est l'image du clan archaïque qui se fonde sur une solidarité collective, une fidélité réciproque, l'agressivité à l'égard de ce qui est étranger, la vengeance à l'égard d'autrui. C'est peut-être pourquoi les adolescents, dans la réalité et dans le mythe, des faubourgs aux beaux quartiers, de l'est à l'ouest, tendent naturellement à se grouper en bandes, clans élémentaires, pour vivre selon l'état de nature de l'affectivité, pour trouver ensemble sécurité et solidarité et disposer d'un moyen d'exprimer à la fois leur virilité et l'hostilité à l'encontre de la société adulte. Ces modèles leur sont de surcroît perpétuellement reflétés par la presse, la télévision, le cinéma qui véhiculent ainsi le mythe. Demandons à l'abbé Marc Raison, qui anime depuis plusieurs années une action d'éducation et d'amitié auprès des jeunes de la rue, ce qu'il en pense. Je pense que ce problème des bandes de jeunes évolue et se modifie suivant les années. Je crois d'abord qu'il ne faut pas confondre délinquants juvéniles et bandes de blousons noirs. Au fond, ce qu'on a appelé les bandes de blousons noirs, ce sont des bandes assez inorganisées d'adolescents ou de jeunes qui ne savent pas où se retrouver, qui n'ont pas de lieu personnel où ils puissent s'accrocher et qui se retrouvent tous en bande dans les squares ou dans les bistrots. Et ce phénomène-là, je pense, va de bandes d'adolescents un peu égarés au point de vue affectif, c'est un phénomène de tous les temps. Peut-être évidemment un phénomène qui s'exacerbe dans toutes les condensations humaines où les relations humaines personnelles tendent à s'effacer. En particulier, je pense, dans les grands ensembles, mais même dans des quartiers comme le 18e. Par conséquent, je veux dire que ces bandes, ces réunions de jeunes adolescents, c'est-à-dire qui ne peuvent, psychologiquement parlant, avoir de vrais dialogues ni avec les enfants, ni avec les adultes, mais simplement entre eux, je crois que ce phénomène est donc essentiellement normal dans un certain sens, enfin, n'est pas inquiétant en lui-même. Mais alors, ce phénomène-là va prendre, me semble-t-il, et d'après ce que j'ai pu voir depuis quelques années, un style ou une modalité différente suivant des quantités d'éléments difficiles à apprécier. Je pense par exemple que dans le quartier que je connais bien, on peut dire que depuis 2 ans, 3 ans, il n'y a plus, on ne voit plus de bandes de blousons noirs. Quand on veut rencontrer les gars, il faut aller dans des cafés où ils sont par 3, par 4, jouant aux flippers ou jouant aux cartes, comme des jeunes ordinaires et, mon Dieu, tout à fait calmes en général. De temps en temps, il y a des phénomènes d'explosion de bandes, un peu chahutaires, plus chahutaire et plus violent peut-être que les étudiants ou que les jeunes lycéens, mais avec simplement une question de degré, quand ils sont ensemble, hors chose frappante, depuis 2 ou 3 ans, ils n'ont pas tendance à se mettre en grande bande, ensemble, spontanément. C'est quand on leur fournit une activité commune, quand on les emmène par exemple faire du Rocher à Fontainebleau, des trucs comme ça, qui sont une cinquantaine, à ce moment-là, comme quand on groupe des étudiants, ils deviennent chahuteurs. Mais dans notre quartier, le phénomène spontané des grandes bandes a disparu, pratiquement. Alors, je me demande si dans d'autres quartiers, l'évolution est la même. Il me semble, autant que j'ai pu apercevoir, que le mythe blouson noir, si vous voulez, tel qu'il a été pratiquement créé par la presse, tend à s'effacer. Nous nous demandions, avec notre équipe l'autre jour, à quoi ça pouvait être dû. Et ça a l'air inattendu, mais il me semble que le fait que Johnny Hallyday fait son service militaire y est pour quelque chose. Je veux dire par là que le type idole de jeunes, style Vince Taylor ou Johnny Hallyday, ben ça s'efface. C'est plus ça qui est au premier plan. En somme, si je comprends bien ce que vous venez de dire, on pourrait penser que le mythe du blouson noir a été presque, non pas créé de toutes pièces par la presse, mais en tout cas véhiculé, et cela a donné de la consistance à certains groupes de jeunes qui se sont formés du fait, au fond, d'une concentration urbaine. Je ne crois pas que le mythe ait été créé par la presse, mais il a été très largement exploité, entretenu, et surtout, je pense, dans l'audience du public. Ça a commencé, au fond, il y a quelques années, cette histoire des blousons noirs. On n'en parlait pas avant. Il y a eu quelques bagarres de jeunes dans des squares du côté de la Convention, tant que je me rappelle, et là, la presse s'en est emparée, et c'est là qu'a été créé le mot même blouson noir. Ça date d'au moins 7 ans ou 8 ans, autant que je me rappelle. Le mythe a été créé du côté des garçons par le personnage de James Dean dans ses deux films principaux. Ça, il n'y a pas de doute, c'est à l'arrière-plan, et qu'il représente en quelque sorte comme le type romantique de 1955 ou 58. Le gros dur, violent, le type même de Alès d'Éden, par exemple. Ça, je crois que ça a cristallisé certains malaises de la jeunesse. D'une certaine jeunesse surtout, un peu abandonnée. Chacun, si vous voulez, se jouait un petit peu ce rôle-là, mais comme le scout joue à la guerre. C'était un jeu. Les bagarres aussi étaient un jeu, au fond. La délinquance, au fond, aussi, est un jeu, d'une certaine façon. Ils ne se rendent pas très bien compte, ces garçons, à quelle limite on passe du jeu au réel grave. Ils ne le sentent pas. Alors, devant ce phénomène spontané, la presse a certainement saisi la chose. Je pense que les journalistes ont été victimes de la même psychose, et d'une psychose de peur. Et ils ont entretenu le mythe blouson noir pour faire peur aux gens. Je pense aussi pour des raisons commerciales, parce que ça faisait vendre les journaux. Il y a eu tout de même des événements réels. Par exemple, ces groupes de jeunes qui frappaient des passants à coups de chaîne de bicyclette, ces événements sur les plages en Angleterre où des bandes arrivaient commettaient des actes de violence. Enfin, ça, c'était une réalité tout de même. Justement, je crois que le phénomène anglais, dont on a parlé pas mal il y a un an et demi à peu près, ou un an, c'est tout à fait spécial. Et nous n'avons jamais vu ça en France. Ce qu'on a vu en France, à quoi c'est dû, j'en sais rien, je connais pas le problème anglais. Mais ce qu'on a vu en France, ce sont des bagarres de bandes, style guerre des boutons, mais avec un petit peu plus d'effectifs, et se déroulant en ville au lieu de se dérouler à la campagne. Mais au fond, je crois que c'est le même mécanisme et le même processus psychologique. Seulement, évidemment, ça n'a pas passé inaperçu, parce que ça se passait au milieu de la foule, que des gens qui ont voulu s'interposer ont reçu des coups, mais ça n'a jamais été considérable. Alors voilà, je pense comment il faudrait que le public sache, d'une façon très générale, surtout certains journaux à grand tirage, font une mousse terrible avec ça pour pouvoir vendre quelques exemplaires de plus, je suppose. Je trouve ça profondément malhonnête, parce que ça ne correspond pas au réel. Ça braque les gens, les adultes, un peu de craintifs, dès qu'ils voient 5 ou 6 jeunes, ils ont la trouille. Or, rien n'excite les jeunes que de sentir que les autres ont peur. Ça, bien sûr, ça les valorise. Et d'autre part, ça contribue, chez les jeunes qui lisent très peu ces journaux-là d'ailleurs, heureusement, ça peut contribuer à les mettre en vedette, à dire ça y est, on parle de nous, et puis à entretenir eux-mêmes le mythe alors qu'au fond ils veulent en sortir. Normalement, les adolescents garçons, pendant leur crise d'adolescence, ont tendance à se grouper entre eux, étant donné que c'est les seuls interlocuteurs réciproques qu'ils puissent avoir. Le dialogue n'est plus possible avec les enfants, comme vous êtes à l'air. Le dialogue n'est pas tout à fait possible avec les adultes et beaucoup plus difficile dans certaines conditions sociologiques. Alors, ils se mettent ensemble parce que comme ça, ils ne sont pas seuls. Ils sont seuls ensemble, ce qui leur permet de supporter cette solitude transitoire, qui est un aspect normal de la crise d'adolescence. Alors, le phénomène des bandes de garçons est un phénomène spontané, normal. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la sortie des lycées. Et le scoutisme n'est pas autre chose que la prise en charge de ce phénomène naturel, non pas pour le défaire, mais pour le faire évoluer, c'est-à-dire pour permettre, enfin ce serait ça l'idéal, permettre à tous ces jeunes de progresser vers un dialogue possible avec le monde adulte. Et ce serait ça donc qu'il y aurait à faire. Je pense qu'il est très important que le public se rende compte qu'entre les bandes dites de blousons noirs et les bandes de scouts, il n'y a pas, chose paradoxale, de différence fondamentale. C'est simplement que chez les premiers, ils sont plus en difficulté à cause de questions familiales ou sociologiques et que personne ne leur est présent, tandis que chez les scouts, il y a peut-être les mêmes difficultés, plus ou moins différentes, mais il y a quelqu'un qui est là, un adulte, qui les aide à progresser dans leur dialogue. Au fond, c'est simplement ça la différence qu'il y a. Gang de rue, clan de scouts, Une synthèse en serait-elle tentée dans cette expérience américaine d'un range de délinquants au Texas? Madame Revon. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis cet été et en plein Texas, j'ai découvert un Boys Ranch. C'est un immense ranch en plein désert. Et là, j'ai découvert un homme extraordinaire qui s'appelle Cal Farley et qui a créé un ranch pour 400 jeunes délinquants. Je ne pouvais pas imaginer qu'il existe quelque chose de pareil. Les enfants sont heureux, épanouis, ont chacun leur petit bungalow. Ils sont tout à fait récupérables. Rien que l'idée d'être dans cette nature magnifique les change totalement. Qu'est-ce qu'ils font de particulier dans ce ranch? Pourquoi un ranch? Le ranch convient particulièrement au Texas, qui est le pays des ranchs. Les enfants sont très heureux d'être habillés en cow-boy, même s'ils ne sont pas de vrais petits cow-boys. Pourtant, quelques-uns font de l'élevage et tous les ans, on fait un grand rodéo, ce qui attire la population tout autour et amène les donateurs. Ils vivent en somme là une sorte de vie d'aventure un peu organisée, mais d'aventure quand même, telle que les garçons de 13 ou 15 ans peuvent l'imaginer. Exactement. Et comme c'est américain, on a des méthodes tout à fait américaines. Il y a des choses très étonnantes, comme par exemple, on les emmène une fois toutes les 3 semaines en ville, dès l'âge de 10 ans, et on les lâche dans la ville une journée entière pour voir comment est-ce qu'ils réagiront. Puis, ils reviennent dans leur ranch, et là, ils vivent une vie de petite famille. Ils sont groupés par groupe de 18 avec leurs éducateurs, qui les emmènent à la pêche, qui les emmènent jouer au tennis. Et ils font leurs études, ceux qui sont capables arrivent même jusqu'à l'université. Mais d'autres font le vrai travail de petits bonshommes de ranch. Ils font de l'élevage, ils s'occupent des jardins. On a créé 3 lacs artificiels. Ils font un vrai travail, j'en ai vu sur leur tracteur. D'autres font de la menuiserie, font l'électricité. Il y a même la maison des pompiers, offerte par les pompiers. C'est très sympathique. Au fond, l'intérêt d'une telle entreprise, c'est peut-être d'enlever les enfants tout simplement à la ville et de les faire vivre en pleine nature. Exactement, c'est ce que nous appelons en France le déconditionnement. C'est le grand mot à la mode, c'est pour dire qu'on les retire à leur milieu naturel et on les met dans un milieu qui leur plaît beaucoup plus. Et mon rêve est d'arriver à en faire autant en France. Où pensez-vous le faire? Mon rêve, si ça serait possible, ça serait d'aller en Camargue. Évidemment, la Camargue est une région tellement belle, tellement pacifiante, avec ses oiseaux de toutes couleurs, les chevaux sauvages. Il me semble qu'elle pourrait avoir une double vocation, ne pas seulement avoir celle du tourisme, des cercles hippiques, mais arriver à être celle des enfants malheureux. C'est la patrie de Crin-Blanc, après tout, et on pourrait bien redonner aux enfants l'amour, la joie de vivre dans la liberté. À propos du ranch américain, je dois vous dire que c'est très différent de nous comme idée. Par exemple, j'ai vu une église qui est pour toutes les religions à la fois. Il y a des aumôniers, on peut être protestant, on peut être catholique. Les Israélites ont le droit à leur nourriture spéciale. Mais il y a une chose qui m'a un peu choquée. J'ai posé la question. Vous n'avez donc pas d'enfants noirs délinquants dans votre pays? Et on m'a répondu, si j'avais un seul enfant noir, je n'aurais plus un donateur. Que penser d'une entreprise éducative qui entretient un esprit de ségrégation parallèlement à l'enseignement des lois de solidarité humaine et sociale? Et où se situe alors la jungle? Elle est parfois au sein même de l'ordre et de la société organisée, dans les rapports de classe ou de travail. Voulez-vous nous parler du problème du travail? Eh bien, pour le travail, voilà, c'est une question de pognon, surtout. Moi, je suis dans une boîte, en ce moment, je gagne 270 balles de l'heure. Et évidemment, moi, quand je me pointe dans une tôle, je fais pas l'effet d'un mec bien sapé. Enfin, je suis pas tellement bien sapé, quoi. Je suis sapé, dirons-nous, le plus convenablement que je puisse m'habiller, quoi. Alors, le patron me voit venir et automatiquement, s'il m'embauche, un peu moins que celui qui se présentera avec des nippes neufs ou des conneries comme ça, ou alors bien habillé. Moi, en ce moment, j'étais me présenter dans une boîte et je travaille avec un gars. Et je vais pas vous dire qui, bien sûr, parce que... Alors, je travaille avec un gars qui n'est pas tellement plus âgé que moi, il doit avoir 18-19 ans. Et le gars, ça fait 3 mois qu'il est dans la boîte, je crois. Le patron m'a vu venir, et puis comme c'était une personne qui m'avait fait rentrer là-dedans, il m'a embauché à 270 francs d'heure, et au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai demandé avec le gars qui travaillait avec moi combien il était payé. Il m'a dit 400 francs d'heure. Alors là, j'ai gambergé un peu, j'ai voulu ça... Je sais pas, je me demande pourquoi je suis payé... avec une telle différence par rapport à un gars qui n'est pas tellement plus âgé que moi. Mais est-ce qu'il a une qualification que vous n'avez pas ? Et non, justement, c'est qu'il n'a aucune qualification. Sa seule qualification, c'est d'avoir 3 mois de maison, puis moi que je vais rentrer. Et est-ce que vous souhaiteriez avoir une qualification, pouvoir suivre des cours, avoir une formation qui vous fasse déboucher sur un métier plus intéressant ? Ça me plairait assez, mais seulement comment ? Pour aller à l'école, si je vais à l'école, j'ai pas de pognon. Pour m'habiller, pour sortir, pour bouffer, je peux rien faire si je vais à l'école. Ou alors si je travaille et je vais à l'école, alors là, je me tue au boulot à l'école. Alors c'est-à-dire que la journée, je bosse, le soir, je vais étudier. Alors c'est-à-dire qu'il va me rester 2 ou 3 heures pour dormir comme ça. Alors moi, ça, je vais tenir un mois, puis après, c'est fini, je vais flancher. J'ai quitté l'école d'ailleurs pour ça, parce que ma mère pouvait pas me donner d'argent pour sortir. Et je devais mes potes barrer en vacances, et je voulais barrer avec eux. Et ma mère ne pouvait pas me donner l'argent nécessaire, vu que... Enfin, on est assez nombreux. Elle me donnait 1000 francs pour sortir par semaine, c'était déjà beau pour elle. Alors, j'ai arrêté l'école exprès pour aller travailler pour pouvoir aller en vacances. Mais je m'aperçois, j'aurais mieux fait de continuer, mais tout en bossant, mais n'importe comment, d'un côté ou de l'autre, faut avoir une grande force de volonté, et c'est parce que c'est très dur, franchement, c'est très dur. Moi, plan de travail, ça va, j'ai pas un plan, je gagne encore assez, mais bien sûr, il a fallu que j'apprenne un métier. Mais justement, c'est très difficile aux jeunes maintenant d'apprendre un métier, ceux qui ne sont pas chez eux, comme nous, beaucoup le cas entre les copains. Parce qu'ils ne peuvent pas apprendre le métier, se nourrir et s'habiller et tout. Et ça, c'est très difficile. Parce que c'est là l'occasion, travailler ou alors apprendre. Alors si on en apprend, il faut de l'argent, il faut aller faire le con, il faut aller trouver de l'argent. Alors c'est trop difficile pour les jeunes maintenant, qui ne sont pas chez eux, d'apprendre un métier. Alors les patrons les exploitent, ils en profitent, pas de métier. Si vous voulez, on va aborder maintenant le problème des loisirs. Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs ? Bah, on fait comme tous les jeunes d'aujourd'hui, la danse, la musique, enfin lire, etc. Et on différencie pas des autres jeunes. Faut pas s'imaginer enfin que les bagarres, enfin etc. Ce que voient les gens, ça se fait tous les jours. Tout d'abord, on n'aime pas plus ça que les autres, parce que je crois pas que quelqu'un aime les coups dans sa vie. Ça soit un fils de bourgeois ou un fils d'ouvrier, il aime pas plus ça que les autres. Puis enfin, on danse, on aime. Enfin, comme tous les autres. Moi, je crois que ce soit la jeunesse des voyous, enfin, il n'y a qu'une jeunesse, on a tous les mêmes loisirs. Il n'y a pas de problème particulier. Non, surtout pour les loisirs. Je crois qu'ils sont, les mêmes pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes de possibilités ? Enfin, d'abord, le problème d'argent, ensuite le problème de local, d'endroit. Est-ce que ça vous est facile d'avoir tout ça ? Je vais pouvoir insister sur un certain point, puisque pour une fois, je peux dire mon opinion, je peux parler franchement. J'ai eu des copains qui étaient comme moi, maintenant naturellement je suis rangé. Mais j'ai eu des copains qui étaient comme moi, qui ont essayé de fréquenter les maisons de jeunes, enfin vous voyez tout ce qu'il y a comme organisation. Et les types naturellement avec les cheveux longs, blouson noir, blue jeans, puisque c'était la mode. Ils nous voyaient rentrer, tenue incorrecte envers les autres d'une classe assez supérieure, naturellement, puisque c'était les classes un petit peu bourgeoises. Alors, on s'est fait traiter de parasites, et puis tout ça. Alors, ça fait qu'il y a beaucoup de types qui étaient dans mon cas, qui se sont dégoûtés de fréquenter ces maisons-là. Moi, ce n'est pas mon cas. Une maison de jeunes, pour moi, c'est ouvert à la culture, c'est ouvert à tous les loisirs qu'on peut désirer. Ping-pong, etc. La preuve, c'est que je fais partie d'un club de poètes, et puis en plus de ça, je fais des danses folkloriques. Recherche de notre temps, le mythe des blousons noirs, par Colette Garrigue et Harold Portenois. Réalisation Paul Ventre, première diffusion sur France Culture le 18 mars 1965. She's got a ticket to ride. La presse ne s'amuse pas à prolonger les mythes pour vendre du papier, heureusement. Un millésime se définit aussi, et comment, par sa presse honnête. État de la presse, en l'occurrence de la presse féminine, dans Heure de culture française, le 13 mai 1965. Une émission qui avait tout d'abord traité de la presse pour la jeunesse et qui proposait un texte de Philippe Sellier, lu par une speakerine. À côté de cette presse de la jeunesse dont vient de nous parler M. Pierre Miquel, existe, aussi importante, une presse féminine, qui va de la presse du cœur à l'hebdomadaire de mode. Voici ce qu'en pense M. Philippe Sellier, dont nous vous lisons le texte. C'est seulement à la fin de l'Ancien Régime qu'apparurent les premiers journaux féminins. La presse destinée aux femmes grandit tout au long du XIXe siècle. Mais c'est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale que son essor s'est accentué. Dès 1930, le Petit Écho de la mode tire à 1 130 000 exemplaires. La Seconde Guerre mondiale n'arrêta que pour un temps cette ascension. Depuis 20 ans, les femmes ont pris dans la presse une part croissante. Et je vais d'abord souligner l'importance de leurs journaux avant d'analyser les ingrédients avec lesquels on élabore ces somptueux gâteaux en couleur, ainsi que les règles générales qui président à ces délicates fabrications. Première question, quelle est l'importance des périodiques destinés aux femmes? 7 publications dépassent le million. 4 hebdomadaires, Femmes d'aujourd'hui, Nous deux, Mode de Paris, L'écho de la mode et un bimensuel Marie-Claire oscillent entre 1 million et 1 200 000. 2 mensuels tirent davantage encore. Le premier est L'écho des Françaises, organe de la Ligue féminine d'action catholique, avec environ 1 800 000 exemplaires. Le second est Modes et travaux, 1 350 000, mais il ne s'agit là que du peloton de tête. Aux alentours de 700 000 se trouvent Elle et Marie-France. La presse féminine est ainsi, dans l'ensemble, une excellente affaire. La réussite financière tient à 2 grandes causes. D'une part, l'importance de la publicité dans ce type de publication. Jusqu'à 50% de la surface dans Elle et l'écho de la mode, or le prix de la page publicitaire peut monter jusqu'à 1 million d'anciens francs, quelquefois même 3 ou 4. D'autre part, les ventes de tous ces périodiques sont d'une régularité remarquable. Alors que les quotidiens connaissent des variations importantes, selon l'intérêt de l'actualité, les journaux féminins ignorent ces aléas. Leur distance par rapport à l'actualité politique et économique, les suspenses de leurs feuilletons ou de leurs photoromans, le lien intime qu'ils ont su créer dans bien des cas entre le journal et l'électrice, tout cela entraîne une grande fidélité à l'achat. Les promesses financières de ces entreprises expliquent que de puissantes sociétés s'y soient intéressées et leur aient conféré un aspect largement commercial. Il s'agit de servir au public ce qu'il attend. Aussi, cette presse n'est-elle pas engagée ? Exception faite de 2 mensuels, l'un est d'extrême gauche, Heure Claire, qui tire à 100 000 exemplaires, l'autre est l'organe de l'Action catholique générale féminine, l'écho des Françaises, qui tire à 2 millions d'exemplaires. Mais presque toutes les autres publications appartiennent à des sociétés qui éditaient déjà d'autres journaux et ont rapidement compris l'intérêt de lancer un ou plusieurs périodiques féminins. Le groupe Lénier-Prouveau anime Marie-Claire, Match et Télé 7 jours. Dassault a pensé que Jour de France pouvait compléter harmonieusement les questions d'aviation. Elle est dirigée par Mme Hélène Gordon-Lazareff, dont le mari règne sur la Franc-Part, qui édite Paris Presse, France Soir, France Dimanche, Le Journal du Dimanche, etc. Mais le roi de la presse féminine reste M. Sino Del Duca, qui publie à lui seul Nous deux, Mode de Paris, Festival et Intimité, 4 hebdomadaires, 12 millions de lecteurs, sans parler de Paris Jour. Marie-France est publiée par le groupe Amaury, qui édite aussi Le Parisien Libéré, Le Courrier de l'Ouest, Carrefour, Point de Vue, Images du Monde, Aviation Magazine. Ajoutons que certains de ces journaux s'adressent à un public parfaitement défini. Claire Foyer est lue presque uniquement dans les milieux ruraux. 82% des lectrices de Nous deux sont d'un niveau primaire, tandis qu'à l'opposé, 64% des lectrices de Elle se situent à un niveau culturel secondaire ou supérieur. J'emploie d'ailleurs à tort le terme de lectrice, car, fait nouveau, la presse féminine fait fureur chez les hommes. Dès 1939, Marie-Claire était le journal le plus lu sur la ligne Maginot. Nous deux et Confidence comptent 40% d'hommes dans leur public. On en rencontre encore un tiers pour Elle, Marie-Claire, L'Écho des Françaises et Bonne Soirée, un quart pour Marie-France. On ne sait trop si cet élément masculin est attiré par les bouleversantes histoires d'amour qui se déversent dans les feuilletons et les ciné-romans, ou par un désir érudit de pénétrer les mystères du monde féminin, ou par les drôleries involontaires du courrier des cœurs en détresse, ou encore par l'érotisme discret des réclames de bas, de soutien-gorge et de savonnette. En effet, un journal féminin est composé d'un certain nombre d'ingrédients ou rubriques. On les retrouve presque tous dans n'importe laquelle de ses publications. C'est le dosage et la qualité de ces différents éléments qui confèrent au journal sa personnalité propre. On peut ainsi diviser la presse féminine en trois grands types. D'abord, les journaux qui s'adressent à la femme, considérés surtout comme l'âme du foyer. Ils visent à accumuler des renseignements pratiques et sont lus surtout par la petite bourgeoisie des villes et des campagnes. Les plus caractéristiques sont L'Écho de la mode et Femmes d'aujourd'hui. On y donne beaucoup d'importance non seulement aux conseils concernant l'habillement, la tapisserie, l'ameublement, mais aussi aux recettes de cuisine. Votre mari aimera le canard à l'orange. À des initiations diverses, culture des plantes vertes, technique du dépotage et du rempotage. La présence de modèles pour enfants et de récits d'aventure, comme Bob Moran dans Femmes d'aujourd'hui, manifeste clairement qu'il s'agit d'un journal familial conseillé de la femme au foyer. La frivolité en est bannie et les éléments romanesques, qui sont assez nombreux, se révèlent toujours conformes à une saine morale. Les rubriques culturelles y occupent souvent une grande place, jusqu'au quart de la surface dans Claire Foyer. Au point de vue matériel, la typographie est serrée, le papier assez ordinaire, le format discret et les croquis honnêtes, mais sans grand art. Bref, une simplicité de bon goût. L'utilité de ces périodiques explique l'attachement indéfectible que leur vouent les lectrices. Leur tenue et leur santé morale ont trouvé en général la faveur de l'Église, qui reconnaît en eux sa conception de la femme, âme et pierre angulaire du foyer. Le second type de journal s'adresse à la femme en tant que jeune femme moderne, l'adjectif moderne offrant d'ailleurs un contenu fort vague. C'est le cas en particulier de Marie-Claire et de Elle. Elle qui se définit comme, je cite, « le magazine le plus chargé de féminité possible ». La plupart des rubriques du type précédent s'y rencontrent, mais présentées avec plus d'éclat et de dynamisme. On insiste sur l'esthétique, les soins de beauté, ce fut là la grande originalité de Marie-Claire dès 1939, et on multiplie les recettes pour éviter les jambes lourdes ou les rondeurs inattendues. La publicité va dans le même sens, amincie ou remboursée. À travers toutes les colonnes passe une brise de modernité. On a le goût du nouveau, toute nouvelle pédagogie ou psychologie, tout engouement pour une réalité quelconque, trouve là un accueil. D'autre part, on s'adresse surtout aux jeunes, on célèbre la beauté, le succès. Les vedettes ou les personnalités diverses viennent présenter leur réussite dans la chasse au bonheur. L'optimisme, le sourire heureux sont des lois absolues, aussi bien dans le texte que dans les illustrations. La présentation est luxueuse, la typographie d'avant-garde, la mise en page très étudiée. La publicité y est si abondante que Elle peut passer de 100 à plus de 220 pages selon les époques de l'année. Car ces journaux s'adressent à un public assez aisé et constituent ainsi de remarquables supports publicitaires. Pour faire oublier le tirage massif, on met tout en œuvre pour créer des liens en quelque sorte personnels entre les chefs de rubrique, connus nommément, et les lectrices. Tous ces journaux donnent une impression de vitalité conquérante et proposent à la femme assez jeune, assez belle et assez aisée une vie remplie du plus d'agrément possible. La troisième et dernière catégorie comprend des magazines comme Confidence et Nous deux. Son public est généralement populaire, peu aisé. Plus de 50% de lecteurs ouvriers pour Nous deux et Confidence. Ils s'adressent à la femme en tant que substance rêveuse. Ils procurent une évasion à des lectrices que la vie n'a habituellement pas comblées. « Je vends du rêve », a dit clairement Del Duca. Par conséquent, on trouvera dans ces journaux non seulement un courrier des cœurs transpercés ou en détresse, mais une abondance particulière de feuilletons et de photoromans. Heure de culture française, la presse féminine, texte de Philippe Sellier, lu par une speakerine, première diffusion sur France Culture le 13 mai 1965. Que ce soir tu es fâché, on sait bien toi qui l'as cherché. Dans l'alcool je veux me noyer, je veux aussi barman de cocktail pour moi. Tu n'as pas honte de boire comme ça? Qu'est-ce que tu bois, pourquoi pas moi? Ta tête est plus dure que du bois, et toi aussi, barman de cocktail pour moi. Ma mère m'avait bien dit, surtout méfie-toi de ce Johnny. Moi quand j'ai dit j'épouse Sylvie, mes copains pleuraient, je n'ai pas compris. Les filles vraiment, quelle invention. Quelle catastrophe que les garçons. Ça me servira de leçon. À moi aussi, barman de cocktail pour moi. Que faites-vous ici? Laissez cette place, moi j'attends Sylvie. Tiens, quelle surprise, que fais-tu là? Bien, un hasard, je passais par là. On prend un verre pour fêter ça. Tu crois? Ah, je crois. Barman, un cocktail pour deux. C'était les années 60, aujourd'hui 1965, quatrième émission, Archivina Hervé Evano, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourté. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents épisodes de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.